الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. خلق آدم ثم منه خلق حواء. Il a créé Adam et à partir de ce dernier, il a créé Ève. عليه الصلاة والسلام. Que les prières et les salutations de Dieu soient sur eux. ثم خلق منهما البشرية جمعاء. Et à partir de ces deux, Dieu a créé l'humanité entière. بفضل الزواج بين الرجال والنساء. Et ceci grâce au mariage entre les hommes et les femmes. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. بعدما تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. Après que Hafsa, fille de Omar, que Dieu soit satisfait des deux, après qu'elle est devenue veuve, يقول عمر, Omar nous raconte, عرضت حفصة يعني تأيمت مات زوجها. بقيت من غير زوج. يقول عمر عرضت حفصة على عثمان يعني كي يتزوج بها صديق عثمان رضي الله عنه. فقال سأنظر في أمري. Donc j'ai proposé. Omar dit j'ai proposé حفصة, c'est-à-dire ma fille, à mon ami عثمان afin qu'il se marie avec elle. Et عثمان dit je vais réfléchir. وبعد ليال, après quelques nuits, قال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. Après quelques nuits, il dit, il m'est apparu que je n'ai pas besoin de me marier pendant ces jours-ci. فقلت لأبي بكر الصديق. Et après j'ai dit à Abu Bakr, le vertueux, إن شئت زوجتك حفصة. Si tu veux, je te marie avec حفصة. فصمت أبو بكر. Abu Bakr n'a dit aucun mot. Il a gardé le silence. وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانِ. يعني الضريت من جانب أبو بكر أكثر من جانب عثمان. Son refus m'a fait plus de mal que celui de عثمان. وَبَعْدَ لَيَالٍ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهِ. Et quelques nuits par la suite, le messager de Dieu, prière et salut sur lui, a demandé à se marier avec Hafsa, et c'était une chose faite. Fa laqiyani Abu Bakr. Par la suite, Abu Bakr m'a rencontré. Fa qala la'allaka wajadta 'alayya hina 'aradta 'alayya Hafsa, fa lam arji' ilayka bi shay' aw lam ujibk. Après quelques nuits, il a rencontré Abu Bakr qui lui a dit « Oh Omar, peut-être tu t'es énervé sur moi parce que je t'ai donné aucune réponse après ta proposition. » Qultu, yani Omar yaqul, et après ceci Omar a répondu « Naam, oui. » Qala Abu Bakr « Innahu lam yamna'ni an arji'a ilayka fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. Il lui a dit la chose qui m'a empêché de te donner une réponse, c'est le fait que j'ai entendu le messager de Dieu, prière et salut sur lui, citer le nom de ta fille. C'est-à-dire, il voulait se marier avec elle. فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها قبلتها. Et je n'étais pas à dévoiler le secret du messager de Dieu, prière et salut sur lui, et dans le cas où il ne s'est pas marié avec elle, je le ferai. Rawah al-Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari. Araitum, kayfa kana yabhathu ar-rajul libnatihi 'an az-zawj as-salih. Avez-vous vu comment, à l'aube de l'islam, l'homme cherchait pour sa fille l'homme vertueux, ça veut dire en vue du mariage. كان الأب يعرض ابنته على الصالحين. L'homme proposait sa fille pour le mariage, il l'a proposé aux vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم il dit prière et salut sur lui. حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. On m'a fait aimer dans cette vie ici-bas les femmes et le parfum. وجعلت قرة عيني في الصلاة. Et on m'a fait de telle sorte que la fraîcheur de mes yeux se trouve dans la prière. أكبر لذة كانت عنده في الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة. Le maximum de plaisir qu'il avait, c'était dans la prière. Lorsqu'il priait Dieu subhanahu wa ta'ala, رواه النسائي وأحمد والحاكم, rapporté par النسائي, أحمد et الحاكم. سيدي, أمير الأنبياء, صلى الله عليك عدد نجوم السماء, maître, émir des prophètes, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa limal as-sahra, au nom des sables du désert, wa awladi adama wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, ayyuha al-ikhwa wa al-akhawat fi l'islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. كثيرا ما أسأل عن الزواج أو عن الطلاق. À plusieurs reprises, on me pose des questions à propos du mariage ou à propos du divorce ou à propos des problèmes entre le mari et sa femme. وكثيرا ما تحصل مشاكل كبيرة في بداية الزواج. Et à plusieurs reprises entre les musulmans, on remarque des grands problèmes dans le couple juste après le mariage, ou khilal az-zawaj, ou pendant le mariage, ou عند الطلاق, ou lors du divorce. ولهذا السبب سأقوم بسلسلة من الدروس, raison pour laquelle je vais entamer une série de leçons sur le mariage. أولا كيفية الزواج, la première leçon d'aujourd'hui sera la méthode du mariage ou comment se marier en islam. ثانيا الحياة الزوجية, deuxièmement la vie conjugale. ثالثا نماذج مثالية من الزواج الإسلامي, des mariages exemplaires islamiques. رابعا تربية الأطفال في الإسلام. Quatrièmement l'éducation des enfants en islam. وفي الأخير كيفية الطلاق إذا وصلت الأمور إلى الطلاق. Et le dernier chapitre sera la méthode du divorce dans le cas où on arrive jusqu'à ce point du divorce. وأكثر المشاكل سببها الجهل بالإسلام كما سنرى. Et le plus grand nombre de problèmes a pour cause l'ignorance en islam, comme ce qu'on va voir. ولشرح كيفية الزواج سأطرح اليوم ثلاثة أسئلة. Et afin d'expliquer la méthode du mariage, je vais poser aujourd'hui trois questions. وأبدأ بالسؤال الأول, je débute par la première. ما هو الهدف من الزواج؟ Quel est le but du mariage؟ الجواب هناك عدة أهداف نذكر بعضها. Dans la réponse, on dit qu'il y a plusieurs raisons, c'est-à-dire pour le mariage, et on va citer quelques-unes. السبب الأول أو الهدف الأول, le premier but, هو عمارة الأرض كما أراد الله. C'est de peupler, le premier but, c'est de peupler la terre comme Dieu l'a voulu. وعمارة الأرض ضرورة ولا تكون إلا بالزواج. Et le peuplement de la terre est une nécessité qui ne peut avoir lieu qu'avec le mariage. فالزواج إذا ضرورة, donc le mariage devient une nécessité. ونية المسلم عند الزواج تحقيق ثلاث أشياء. Et le but ou l'intention du musulman avant le mariage est trois choses. الحصول على أجر الأولاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له, يعني بعد الموت, رواه مسلم. Le premier but à réaliser par le mariage, c'est l'obtention du salaire des enfants, comme le prophète prière et sa l'a dit dans un hadith, un enfant vertueux qui lui fait des prières. Ça veut dire après sa mort, rapporté par l'imam Muslim. والحصول على أجر المشاركة في عمارة الأرض. Le deuxième, c'est acquérir le salaire de la participation à peupler la terre. وأجر إكثار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Et le troisième, c'est le salaire pour augmenter le nombre de la nation de Mohammed, prière et salut sur lui. Thaniyan, le deuxième point, ou le deuxième but du mariage, هو القيام بالسنة, c'est d'accomplir la sunna. جاء رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. Un certain nombre, exactement trois hommes, sont venus vers la maison du prophète, prière et salut sur lui, pour interroger, pour demander quelle est la façon de l'adoration du prophète, prière et salut sur lui. فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَلُّوهَا يعني وجدوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قليلة بالنسبة لعبادتهم. Et lorsqu'on les a informés, comme s'ils ont trouvé que l'adoration du prophète est légère, ou bien faible par rapport à leur propre adoration. فقالوا أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام. Ils ont dit où sommes-nous par rapport au prophète, prière et salut sur lui. قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Dieu lui a pardonné tous ses péchés antérieurs et postérieurs. قال أحدهم, l'un d'eux dit, أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. L'un d'eux dit, moi je prie pendant toute la nuit ou pendant toutes les nuits, il ne connaît pas le sommeil. وقال آخر, et le deuxième dit, أنا أصوم الظهر ولا أفطر أبدا. Le deuxième dit, moi je jeûne à vie sans jamais manger, ça veut dire pendant le jour. وقال آخر, وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. Et le troisième dit, moi je suis célibataire, ça veut dire à vie, jamais je vais me marier avec les femmes. Et tout ceci pour plaire à Dieu subhanahu wa ta'ala. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال, le prophète, prière et salut sur lui, est venu les voir et leur dit, أنتم القوم الذين قلتم كذا وكذا, ce sont vous qui ont dit telle et telle chose, أما والله إني لأخشاكم لله, par Dieu le très haut, je suis le plus craintif à Dieu de vous tous, وأتقاكم له, et je suis le plus pieux parmi vous tous. لكني أصوم وأفطر. Mais malgré ceci, je jeûne et je mange. وأصلي وأرقد. Et je prie la nuit et en même temps je dors. وأتزوج النساء. Et je me marie avec les femmes. فمن رغب عن سنتي فليس مني. Celui qui refuse ma sunna, c'est-à-dire ce que je fais dans ma vie, ne fait pas partie des miens. Muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Et là, فالزواج سنه النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le mariage est la sunna du prophète, prière et salut sur lui. Thalithan, le troisième but, هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم, c'est l'obéissance au prophète, prière et salut sur lui. لقد أمر عليه الصلاة والسلام الشباب الأعزب. Le prophète, prière et salut sur lui, a donné un ordre aux jeunes célibataires. يا معشر الشباب, au ensemble de jeunes, من استطاع منكم الباءة, من عنده القدرة على الزواج والطاقة, celui qui a parmi vous les moyens, ça veut dire pour se marier, les moyens, soit matériels, soit physiques, etc. فليتزوج, qu'il se marie, فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, parce que le mariage représente une limitation pour le regard et une préservation pour l'organe génital. ومن لم يستطع فعليه بالصوم, celui qui n'a pas les moyens parmi vous les jeunes, il n'a qu'à observer le jeûne, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ, parce que le jeûne représente une protection. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, unanimement authentique. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, et il a dit, prière et saillie sur lui, لِرَجُلٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الزَّوَاجِ. Le prophète dit un jour à un homme qui ne s'est pas marié, malgré qu'il avait les moyens pour le faire, أَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينَ, tu es donc parmi les frères des satans, إِنْ كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِ النَّصَارَى فَالْحَقْ بِهِمْ, si tu fais partie des moines chrétiens, rejoins-les, parce que les moines ne se mariaient pas, لَأَنَ الرُهْبَانِ لَا يَتَزَوَّجُونَ, وَإِنْ كُنْتَ مِنَّا, si tu fais partie des nôtres, فَصْنَعْ كَمَا نَصْنَعْ, fais comme ce qu'on fait, فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّكَاحِ, parce que le mariage fait partie de notre sunna ou de notre tradition, شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ, les pires de vous sont vos célibataires, وَإِنَّ أَرْذَلَ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ, et les plus ignobles de vos morts sont vos célibataires. رواه الإمام أحمد والإمام ابن أبي شيبة وابن عبد البر, rapporté par l'imam Ahmed ابن أبي شيبة الإمام ابن عبد البر. وبعد وفاة زوجته بيوم تزوج الإمام أحمد رضي الله عنه, uniquement après un jour du décès de sa femme, l'imam Ahmed s'est remarié. وقال أكره أن أبيت أعزبا, et il a dit, je déteste passer une seule nuit en tant que célibataire. وكذا كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم خوفا من الموت بدون زواج, et ainsi faisaient les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, de crainte de mourir en tant que célibataire sans mariage. وهكذا فعل ابن مسعود ومعاذ ابن جبل رضوان الله عليهما, ainsi ont fait ابن مسعود et معاذ fils de جبل, que Dieu soit satisfait d'eux. النقطة الرابعة, le quatrième point, الحصول على لباس الزوجية, c'est acquérir le vêtement marital. قال تعالى, Dieu dit dans un verset, يقول عن النساء, il dit à propos des femmes dans un verset, هن لباس لكم وأنتم لباس لهن, elles vous sont un vêtement et vous êtes un vêtement pour elles. فالرجل أو المرأة من غير زواج عاري لا لباس له كأنه من غير لباس. Donc d'après ce verset coranique, l'homme ou la femme célibataire, d'après ce courant, ce verset coranique, comme s'il est nu parce qu'il n'est pas marié. والزواج ستر ولباس للرجل أو المرأة, et le mariage représente une couverture, un vêtement pour l'homme ou pour la femme. فالمرأة من غير زواج كل الرجال ينظرون إليها, la femme sans mariage, la femme célibataire, tous les hommes la suivent avec le regard. ولكن إذا تزوجت يقولون زوجة فلان, mais lorsqu'elle se marie, tout le monde dit, attention, c'est la femme à tel homme. وكذلك بالنسبة للرجل, et de la même manière on peut dire pour l'homme aussi. فالزواج حماية من الحرام, donc le mariage est une protection contre l'interdit. قال العلماء من خاف على نفسه الوقوع في الحرام, les savants musulmans disent, celui qui a une crainte, même petite, de tomber dans l'interdit, صار الزواج واجبا فرضا عليه, le mariage devient pour lui un devoir obligatoire, c'est-à-dire il doit se marier. لأن الزواج يكسر الشهوة ويغض البصر, parce que le mariage contre ou affaiblit le désir et limite le regard. ويسد طريق الحرام, et le mariage ferme le chemin de l'interdit. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et saillie sur lui dit, إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين, lorsque l'individu se marie, il parachève la moitié de la religion. فليتق الله في النصف الباقي, il n'a qu'à craindre pieusement Dieu dont la moitié restante, c'est-à-dire de la religion. Rawahu al-Hakim wa qala sahih al-isnad, rapporté par l'imam al-Hakim, qui l'a qualifié de véridique, wa al-Bayhaqi wa al-Tabarani, et rapporté aussi par al-Bayhaqi wa al-Tabarani. Wa min kulli ma taqaddam nafham anna az-zawaj fi al-islam ibadatun tusawi nisf ad-din. Et de tout ce qu'on vient, ou de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on comprend que le mariage en islam représente une adoration équivalente à la moitié de la religion. Et là je pose la deuxième question. A-t-on ou avons-nous le droit de nous marier comme on veut ? هل نختار الزوجة أو الزوج كما نريد؟ Par exemple, avons-nous le droit de choisir la femme ou l'homme comme on veut؟ الجواب, la réponse, لا, non. لأن الزواج عبادة كالصلاة والصيام إلى آخره. Parce que l'islam est, parce que le mariage est une adoration comme la prière, le jeûne et autres. وإذا كنا لا نصلي كما نريد. Et si on n'accomplit pas la prière comme nous on veut, wala nasumu kama nurid, et on ne jeûne pas comme nous on veut, bal nusalli wa nasum kama arada Allah, plutôt on prie et on jeûne comme Dieu l'a voulu. Fa بالنسبه للزواج نفس الشيء, donc pour le mariage il y a la même règle, natazawwaj kama arada Allah, on doit nous marier comme Dieu l'a voulu. والذي يخالف ويقوم بالحرام مع الزوجة من بداية الزواج يقوم بأمور محرمة سواء في الخطبة سواء في العرس سواء في كل شيء كما سنرى. Et celui donc qui contrarie, qui s'oppose, qui accomplit l'interdit ou des choses interdites avec sa femme dès le début du mariage, soit pendant la demande du mariage, soit pendant la fête du mariage ou autre, comme ce qu'on va voir, فهو كمن يتوضأ بالبول قبل الصلاة. Celui-ci qui démarre sa vie conjugale par l'interdit ressemble à quelqu'un qui a voulu faire la prière, mais il a, avant la prière, fait les ablutions avec des urines. أخي, أختي, frère, sœur, تعلم طريقة الزواج الصحيحة قبل البداية في مشروع الزواج. Frère ou sœur, tu dois connaître la méthode correcte du mariage en islam avant le projet du mariage. وحاول أن لا تقوم بأي حرام في عملية الزواج. Et essaie de n'accomplir aucun interdit sur le chemin du mariage. كي يكون زواجك مباركا من الله. Afin que ton mariage soit béni de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. اسمعوا النصائح النبوية. Écoutez les conseils prophétiques. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائلة المرأة. Le prophète prière et sage lui dit à la famille de la femme. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. Si quelqu'un se présente à vous, c'est-à-dire pour le mariage avec votre fille, si quelqu'un se présente à vous et vous êtes satisfait de sa religion et de sa, de son caractère, mariez-le. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. Sinon, il y aura une grande discorde sur terre et une grande corruption. قالوا يا رسول الله وإن كان في, ô messager de Dieu, et même si il كان في معنى فقر, même si, ça veut dire s'il est pauvre, ou il n'est pas d'une famille noble, ou min غير عائلة شريفة إلى غير ذلك, قال, le prophète prière et sage lui dit, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه, si quelqu'un se présente à vous, c'est-à-dire pour le but du mariage, et vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, de sa morale et de son caractère, فأنكحوه. ثلاث مرات قال هذا الكلام مريله. Il a dit ceci à trois reprises. رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن, rapporté par l'imam al-Tirmidhi qui l'a qualifié de satisfaisant. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل, et le prophète prière il s'agit lui dit à l'homme qui veut se marier, تنكح المرأة لأربع, معنى تزوج المرأة لأربع, la femme se marie pour quatre raisons. L'imam al-Tirmidhi, pour sa richesse. ولحسبها pour sa noblesse, ولجمالها pour sa beauté, ولدينها et pour sa religion. فانفر بذات الدين تربت يداك. Choisis la religieuse ou choisis celle qui a la religion que tes mains se remplissent de terre. بمعنى الرسول يدعو هنا بالغنى مع الذي سيفعل هذا الأمر. صديق الله, le prophète a fait une invocation, une prière de richesse pour celui qui va respecter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire choisir la religieuse. Taribat yadak, rawahu l'imam al-Bukhari wa l'imam muslim, unanimement authentique. Wa fi riwaya l'ibn Abi Dawud, wa ibn Majah wa al-Nasa'i wa l'imam Ahmad, dans une autre version de l'imam Ahmad, fa'alayka bidhati d-din wa l'khuluq, choisis celle qui a la religion et le caractère. C'est-à-dire le bon caractère. وهكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سواء الرجل أو المرأة بالبحث عن صاحب الدين وصاحب الخلق الكريم. Ainsi le messager, prière et sagerie, nous a donné le conseil soit à l'homme qui cherche à se marier, soit à la femme qui sera mariée, de choisir celui ou celle qui a la religion et le meilleur caractère. والخلق ثمرة للدين, et le caractère n'est qu'un fruit de la religion. بمعنى فمن ليس له خلق فدينه ناقص, c'est-à-dire celui qui ne jouit pas d'un bon caractère, d'un excellent caractère, c'est-à-dire sa religion est incomplète. لا يغرنك التدين, لا تنظر للحية وحدها, لا تنظر للحجاب وحده, لا يغرنك التدين وحده, انظر كذلك للأخلاق. Tu ne dois pas, frère ou sœur, être induit en erreur à cause de la religiosité de quelqu'un, à cause de sa longue barbe ou à cause de son voile, mais regarde aussi au comportement qui accompagne la barbe ou au comportement qui accompagne le voile. Akhi, ukhti, frère, sœur, asasu al-ikhtiyar ad-din wal-khuluq wa laysa al-mal wal-hasab wal-jamal. Donc, la base du choix dont le mariage repose sur la religion, le bon caractère et non pas la fortune, ou bien la noblesse, ou bien la beauté. فَلَا مَالَ وَلَا غِنَا كَالْقَنَاعَ. Il n'y a pas une fortune comme le contentement du peu. وَلَا حَسَبَ وَلَا شَرَفَ كَالْتَقْوَى. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Et il n'y a pas meilleur ou il n'y a pas meilleure noblesse ou honneur comme la piété. وَلَا حُسْنَ وَلَا جَمَال كَحُسْنِ الْخُلُقِ. Et il n'y a pas une beauté comme ou meilleure que la beauté du caractère et non pas du physique. مَاذَا سَتَفْعَلْ بِغَنِيَّ لَا خُلُقَ لَهَا. Que vas-tu faire d'une femme riche mais qui est mal élevée, qui n'a pas un beau caractère? وماذا ستفعل بامرأة جميلة الجمال يقطر منها ولكن لا خلق لها. Et que vas-tu faire d'une beauté rare, d'une femme de beauté rare, mais qui est mal élevée, qui ne craint pas Allah Ta'ala wa Tabarak, qui n'a pas un beau caractère. المال والجمال يحتاجان لحارس. La beauté et la fortune ont besoin d'un gardien. والحارس هو الدين. Et le gardien est la religion. المال والجمال والحسب من غير دين شر وخطر. La beauté, la fortune, la noblesse sans religion est un danger et un mal. أما المال أو الجمال مع وجود الدين والخلق فلا يضران. Et ce n'est pas grave d'avoir en plus du bon caractère et en plus de la religion la fortune ou bien la beauté. Akhi, ukhti, frère, sœur, al-ikhtiyaru inda al-zawaj ibtila'un laka min Allah. Le choix, juste avant le mariage, lorsque l'homme choisit ou la femme choisit, est une grande épreuve pour toi de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Imtihanun laka min Allah, un test pour toi, frère ou sœur, de la part de Dieu. Man satakhtar, qui vas-tu choisir? من تحب أنت أم من يحبه الله. Vas-tu choisir celle ou celui que toi tu aimes ou celle ou celui que Dieu aime. هل ستتزوج لإرضاء شهواتك أم من أجل مرضاة الله تعالى وتبارك؟ vas-tu te marier pour satisfaire tes désirs ou pour satisfaire Dieu le Très-Haut? هل ستتزوج للعبادة أم للمعصية؟ vas-tu te marier pour l'adoration et choisir quelqu'un qui va adorer avec toi Dieu, ou vas-tu te marier pour la désobéissance? إذا كنت فعلا تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلن تختار إلا من يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Si vraiment tu aimes Dieu et tu aimes son messager de prière et salut sur lui, certainement tu ne vas choisir que celui qui aime lui aussi Dieu et aime son messager. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات, les perverses aux pervers et les pervers aux perverses, والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الخبيث لا يبحث إلا على خبيثة, والخبيثة لا تبحث إلا على خبيث, والطيب لا يرضى إلا طيبة, والطيبة لا ترضى لنفسها إلا طيبا. les vertueuses aux vertueux et les vertueux aux vertueuses. وفقك الله لتختار أهل الطيبوبة والصلاح, que Dieu t'aide à choisir les gens de la bonté et de la vertu. والآن أطرح السؤال الثالث والأخير. maintenant je pose la troisième et dernière question. ما هي مراحل الزواج؟ quelles sont les étapes du mariage؟ الجواب يتكون من نقطتين. la réponse se formule de deux points. أولا الخطوبة, la première étape, les fiançailles. وهي وعد بالزواج, qui représente une promesse de mariage. وفترة التعارف تسبق الزواج. les fiançailles sont une période de connaissance qui précède le mariage. اعلم أن الإسلام أعطى الإذن للرجل القاصد للزواج بصدق برؤية المرأة التي يريد الزواج منها. sache mon frère que l'islam a donné l'autorisation à l'homme qui a une intention sincère à se marier, il lui a donné l'autorisation de voir la femme avec laquelle il compte se marier avant le mariage. فرغم أن الإسلام يحرم رؤية النساء ويأمر بغض البصر, malgré que l'islam interdit d'observer ou de voir les femmes et nous demande de limiter le regard. قال صلى الله عليه وسلم لرجل سأله عن نظرة الفجأة, le prophète a répondu, prière et sage, il y a un homme qui lui a posé une question à propos du regard par surprise, c'est-à-dire je ne pense pas qu'il y ait une femme là, je regarde, je trouve une femme. اصرف بصرك, change ton regard. رواه الإمام مسلم, rapporté par l'imam مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم, et le prophète prière et sage lui dit, العينان زناهما النظر, متفق عليه البخاري ومسلم. le prophète dit, l'adultère des yeux et le regard, unanimement authentique. وفرغم هذا التحريم, malgré cette interdiction, فقد أباح الإسلام للخاطب أن يرى المخطوبة. l'islam a autorisé, a permis au fiancé de regarder sa fiancée. وللمخطوبة أن ترى الخاطب, et à la femme fiancée d'observer, de regarder celui qui demande à se marier avec elle. يعني ممكن أن نرى الوجه واليدين والقامة, c'est-à-dire on peut voir le visage, les mains et la taille. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه تزوج امرأة. un homme dit au messager de Dieu, prière et salut sur lui, je me suis marié avec une femme. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنظرت إليها؟ le prophète lui dit, l'as-tu vu? قال لا. il a répondu non. قال فاذهب فانظر إليها. il lui a dit, pars et regarde-la. رواه الإمام مسلم والنسائي, rapporté par l'imam مسلم et l'imam النسائي. وفي رواية النسائي, dans la version du نسائي, انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما, معنى أدعى للإرتياح والوفاق. regarde-la parce que c'est un moyen de satisfaction ou de tomber d'accord. بمعنى إذا لم يكن ارتياح فابتعد عنها, c'est-à-dire s'il n'y a pas la satisfaction intérieure lors de la vue, éloigne-toi d'elle, ou bien éloigne-toi de lui. ونفس الشيء يقال المرأة يوم دي لا ميم شوز بور لا فام. قال جابر رضي الله عنه, جابر دي que Dieu soit satisfait de lui, خطبت جارية فكنت أتخبأ لأراها ثم تزوجتها. J'ai demandé une jeune femme pour le mariage et je me cachais pour la voir avant le mariage, rapporté par l'imam Abu Dawud wa al-Hakim, rawa Abu Dawud wa al-Hakim. فإذا حصل الارتياح للخاطب, lorsqu'il y a la satisfaction intérieure pour celui qui cherche à se marier, فليتقدم إلى العائلة, à ce moment-là, il peut contacter la famille. وفي حالة قبولهم, dans le cas de leur agrément, dans le cas de leur accord, فيمكنه الجلوس معها. Il lui est permis à ce moment-là de s'asseoir avec elle, والكلام معها, et de parler avec elle, والخروج معها, et de sortir avec elle, وكل هذا بوجود محرم. Et tout ceci conditionné par la présence d'un mahram, ça veut dire son père, son frère, etc. Abuha, akhuha, ila akhiri. Qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète pria, et ça je lui dis, la yakhlouanna ahadukum bimra'atin illa ma'a bi mahram. Que l'un de vous ne reste pas seul face à face avec une femme qu'avec la présence ou que dans le cas où il y a une présence d'un mahram muttafaqun alayh, unanimement authentique. Wa fi riwaya fa inna thalithahum ash-shaytan, dans une version le prophète dit parce que le troisième qui sera présent avec eux sera Satan. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Wa la farq fi yani bayna al-khulwa fi bayt ou fil internet, il n'y a pas de différence dans le comment dire, d'être seul à seul avec une femme dans une maison ou bien par le biais de l'internet. لأن الكلام بكل حرية في الانترنت, parce que parler, dialoguer, converser en toute liberté à travers l'internet, ربما يمهد لمواعيد حرام, peut conduire vers des rendez-vous qui mène vers l'interdit. فالخطوبة ليست زواجا, le fait de demander une femme, ça veut dire la période de fiançailles, ne représente pas un mariage. إنها فقط وعد بالزواج, il s'agit uniquement d'une promesse de mariage, وفترة تعارف ولو دامت عدة أشهر, et il s'agit d'une période de connaissance, même si elle dure des mois et des mois. أما ما نراه الآن بين المسلمين, mais ce qu'on voit actuellement entre les musulmans, أن المرأة تبيت عند الرجل بعض المرات, c'est que la femme dort de temps en temps chez son fiancé. وتعيش مع الرجل في بيته, parfois elle vit même avec son fiancé chez lui. من بداية الخطوبة, depuis les fiançailles. وتسافر معه من غير محرم, et parfois ils voyagent les deux ensemble sans la présence d'un mahram, ila akhiri, etc. فَكُلُّ هَذَا حَرَامٌ فِي الْإِسْلَامِ. Tout ceci est interdit en islam. وَمَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ عَلَاقَةٍ زِنَا خَالِص. Et les rapports qui vont y avoir entre les deux pendant cette période, il s'agit d'un adultère pur. وكثيرا ما يكون الفراق بعد فترة الخطوبة. Il y a plusieurs reprises, il y a un divorce, il y a une séparation juste après les fiançailles. وتكون الضائعة الكبيرة هي المرأة. Et la plus grande perdante sera la femme. التي أطاعت خطيبها في الحرام. Cette femme qui a obéi à son fiancé dans le domaine de l'interdit et a désobéi à son créateur. النقطة الثانية, le deuxième point, وهو مرحلة الزواج, c'est l'étape du mariage. فإذا حصل الاتفاق في فترة الخطوبة, s'il y a le plein accord pendant la période des fiançailles, فإنها تتوج بالزواج. Cette période sera couronnée par le mariage. والزواج له شروط صحة. Et le mariage a des conditions de validité. أولا, الزوج والزوجة. Premièrement, la présence de l'homme et de la femme qui veulent se marier. ثانيا, شاهدي عدل, la présence de deux témoins justes et équitables. ثالثا, الولي, troisièmement, le tuteur. رابعا, الصيغة, وهي الإجابة والقبول. Quatrièmement, c'est la formule, qui est la réponse et l'acceptation. يعني, بعد طلب الخاطب للولي, ça veut dire, juste après la demande du fiancé au tuteur, الزواج بالمخطوبة, la demande du mariage, أمام الشهود أي سوسي دون لي تيموا يجيب الولي مثلا بنعم زوجتك ابنتي le tuteur va répondre par exemple oui je te marie avec ma fille ويقول الخاطب قبلت الزواج بها مثلا et le fiancé doit répondre devant les témoins j'accepte le mariage فإذا لم يكن الشاهدان أو الولي méfiez-vous dans le cas il n'y a pas de témoin où il n'y a pas le tuteur أو الصيغة الصحيحة où il n'y a pas la formule juste فالزواج باطل le mariage est caduc عند الجمهور et ceci chez la majorité des savants إلا الحنفية الذين لم يشترطوا الولي à part les hanafites qui n'ont pas imposé la condition du tuteur dans le cas où la femme est adulte majeure est raisonnable قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي le prophète dit nul mariage qu'avec la présence d'un tuteur رواه الترمذي وقال حديث حسن rapporté par l'imam الترمذي وقال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل le prophète dit aussi nul mariage qu'avec la présence d'un tuteur et deux témoins justes وقال صلى الله عليه وسلم et le prophète prière et sallallahu alayhi wa sallam dit البغايا اللائي لا ينكحن أنفسهن بغير بينة les prostituées sont celles qui ne se marient pas avec une preuve, c'est-à-dire les témoins et le tuteur. يعني من غير ولي أو شهود. وأثير الانتباه هنا. Et j'attire l'attention là. أن شرط الولي لا يعني إكراه الفتاة على الزواج. La présence d'un tuteur ne signifie pas en islam d'obliger la fille à se marier avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. وقال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète prière et sallallahu alayhi wa sallam dit لا تنكح البكر حتى تستأذن la femme qui n'est jamais passée par le mariage on ne peut pas la marier qu'après son autorisation qu'avec son autorisation c'est la femme qui donne l'autorisation et non pas le tuteur قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ils ont dit ô messager de Dieu et comment il va donner cette autorisation قال أن تسكت La réponse était c'est de garder le silence. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de pudeur. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. فالإسلام اشترط الولي ليحمي الفتاة. لا ليكرهها على الزواج بمن لا تريد. L'islam a imposé le tuteur pour protéger la fille. Et non pas pour l'obliger à se marier avec celui qu'elle n'aime pas. زواج الإكراه لا يوجد في الإسلام. Le mariage forcé n'existe pas en islam. جاءت جارية بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله une femme, une jeune femme qui n'est jamais mariée est venue voir le messager de Dieu et lui dit يا رسول الله au messager de Dieu إن أبي زوجني وأنا كاريها mon père m'a marié et je sans mon accord je déteste ce mariage فأرسل إلى أبيها le prophète a appelé son père وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم et le prophète lui a laissé devant son père le choix d'accepter ou de ne pas accepter رواه أبو داود وأحمد rapporté par l'imam أبو داود et l'imam أحمد وفي رواية النسائي dans la version de النسائي قالت يا رسول الله la jeune femme dit au prophète au messager de Dieu قد أجزت ما صنع أبي j'ai accepté ce que mon père a fait c'est-à-dire le mariage de mon père وإنما أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء mais par cette action j'ai voulu enseigner à toutes les femmes que les pères n'ont aucune décision ça veut dire à notre place sans notre accord أختي sœur إن قال لك أحد بأنه يحبك ولا ينام الليل من أجلك sœur si quelqu'un te dit qu'il t'aime qu'il n'arrive pas à dormir la nuit à cause de toi. وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ بِكِ Et il veut se marier avec toi. فَقُولِ لَهُ تَكَلَّمْ مَعَ أَبِي Dis-lui, parle avec mon père, avec le tuteur. تَكَلَّمْ مَعَ الْوَلِي فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ صَادِقُ S'il le fait, s'il fait ceci, s'il parle avec ton père, sache qu'il est sincère. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعْلَمِي بِأَنَّهُ ذِئْبٌ كَابِدٌ Dans le cas où il n'accepte pas, sache ma sœur qu'il s'agit d'un loup menteur. Wa fil akhir, et à la fin je dis, aqul, la budda fi az-zawaj min sadaq. Il est nécessaire dans le mariage de présenter une dot. Yu'ti al-khatib lil-makhtuba, donner de la part du fiancé sa fiancée, wasadaku milkul lil mar'a wa haqqun laha wahdaha. Et la dot est une propriété pour la femme, à elle seule. والصداق لا حد لأعلاه. Et la dot n'a pas de limite supérieure. ولكن كلما كان غاليا وغير معقول. Mais plus la dot est chère et élevée, إلا وقل الزواج. Plus le nombre de mariages diminue, وكثر الحرام. Et le nombre d'interdits augmente. ولا بد كذلك في الزواج من وليمة وحفل. Il est nécessaire dans le mariage d'inviter les gens et de faire une fête, les ishar al-zawaj, pour célébrer le mariage, ولكن من غير حرام ودنوب, mais une fête sans interdit, sans péché, من غير خمور, sans vin et alcool, واختلاطات, sans mixité, ومن غير عري, et sans semi-nudité. فكما رأينا في الزواج عبادة, comme nous l'avons vu, le mariage est une adoration, فلا نخلط العبادة بالحرام. On ne doit pas mélanger l'adoration avec l'interdit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu كثير من المرات يأتيني أبو يشتكي à plusieurs reprises il m'arrive souvent qu'un père vient chez moi pour se plaindre لأنه زوج ابنته زواجا دينيا parce qu'il a fait marier sa fille un mariage religieux عند إمام مثلا auprès d'un imam par exemple وفي انتظار الزواج المدني et dans l'attente du mariage civil عند البلدية c'est-à-dire le mariage auprès de la mairie il a commencé par le mariage religieux en attendant le mariage devant le maire وقد عاشت بنته مع زوجها حياة الزوجية et sa fille a vécu la vie maritale avec son mari juste ou depuis le mariage religieux. Et après, il y a des problèmes, il y a eu des problèmes par la suite. Et le mari a changé complètement. Et ceci est bien connu. Pendant la période de fiançailles, chacun, le mari ou la femme, est très doux. Chacun est angélique. ولكن عند الخصومة mais lors de la dispute يكون التغيير الجذري il y a le changement complet et catégorique ويصير السب والعنف et l'amour et toute la comédie se transforme en insultes et violences وكل واحد يريد أن يسحق الآخر et chacun des deux parties veut écraser l'autre partie وتغيب الحلاوة et la douceur disparaît وذهب الأب وابنته إلى القاضي. Le père et sa fille sont partis voir le juge en France. ولكن هذا الأخير لم يعترف بالزواج الديني. Ce juge n'a pas reconnu le mariage religieux. وهكذا ضاعت حقوق ابنته. Et ainsi sa fille a perdu tout droit. المشاكل من هذا النوع جد كثيرة في فرنسا بين المسلمين. Des problèmes de ce type sont très nombreux entre les musulmans en France. السؤال ما هو الحل؟ La question, quelle est la solution? الجواب, الحل سهل. La réponse, la solution est très facile. لابد من الزواج المدني قبل الزواج الديني. Il est nécessaire de faire le mariage civil dans la mairie avant le mariage religieux. أخي, أختي, frère, sœur, إذا وجدت خطيبا لا يريد القيام بالزواج المدني أولا. Je parle au père. Si un jour, mon frère, tu trouves quelqu'un qui demande à se marier avec ta fille et qui n'accepte pas de faire d'abord le mariage chez le maire, فكن حذرا, sois attentif. وتسأل لماذا? Et pose-toi la question, pourquoi il n'a pas cette patience? Pourquoi il ne veut pas passer d'abord devant le maire? وربما يقول قائل, كيف نقدم الزواج المدني على الدين? Peut-être quelqu'un va dire, comment on va commencer par le mariage devant le maire avant de faire le mariage devant l'imam? الجواب, la réponse, الإسلام اشترط الزواج لضمان حقوق الزوجية. L'islam a imposé le mariage pour préserver les droits de chacun des deux, ça veut dire l'homme ou la femme. وبما أن الزواج الديني أو العرفي الآن صار غير معترف به في كل الدول حتى الإسلامية. Et comme à notre époque, le mariage religieux, le mariage traditionnel n'est plus reconnu par tous les pays, même islamiques, même musulmans. وبما أن الزواج المدني في فرنسا يضمن الحقوق الاجتماعية والمدنية. Et comme le mariage civil en France garantit tous les droits civils et sociaux. وبما أن الزواج المدني لا يتعارض مع الدين ولا حرام فيه. Et comme le mariage civil ne s'oppose pas, ne contrarie pas l'islam, et dans ce mariage il n'y a aucun interdit. فهو شهادة العمدة على الزواج مع حضور الزوجين والشهود والولي والصيغة. Le mariage devant le maire est un mariage avec la présence des deux. C'est-à-dire l'homme et la femme, les témoins, le tuteur et la formule. Il a darajat an qal ahad ulama an zawaj madani wahdahu yakfi. Jusqu'au point que l'un des savants très célèbres a dit le mariage en France devant le maire suffit. Aqul fahada zawaj al madani sara idan wajiban li daman al huquq al madaniya. Je dis donc ce mariage civil est devenu obligatoire et nécessaire pour préserver les droits civils. لأن القاعدة الإسلامية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Parce que la règle musulmane dit ce qui est nécessaire pour accomplir un devoir devient à son tour un devoir. وكما نسجل الأولاد في البلديات للحصول على الحقوق المدنية. Et comme on inscrit les enfants dans les mairies pour avoir les droits civils, نسجل الزواج كذلك لضمان الحقوق. De la même manière, on inscrit le mariage dans la mairie pour avoir les droits. وإذا كان الزواج المدني لا يكفي لتصير المرأة زوجة للرجل أمام الله. Et si le mariage civil ne suffit pas pour que la femme devienne une épouse de son mari devant Dieu, فيمكن مباشرة بعد الخروج من البلدية القيام بالزواج الديني أمام إمام. Il est possible que juste après la sortie d'une mairie, de voir un imam pour faire le mariage religieux le même jour, la même heure. وهكذا تحل المشكلة. Et ainsi le problème sera résolu. إذن أذكر بالقاعدة. Donc je rappelle la règle. لا بد من الزواج في البلدية. Il est nécessaire de se marier d'abord dans la mairie. قبل الزواج في المسجد. Avant le mariage dans la mosquée. ومن خالف. Celui qui va contrarier ceci. قام بالزواج الديني قبل المدني. Celui qui va faire le mariage religieux avant le civil. فحسب القانون الفرنسي selon le code pénal français الإمام يتعرض لعقوبة ممكن أن تصل للغرامة وحتى للسجن. L'imam s'expose à une sanction qui peut arriver jusqu'à une amende et la prison. والزوجان يتعرضان لضياع الحقوق في حالة الخلاف بينهما. Et les deux mariés s'exposent à la perte de leurs droits dans le cas d'un désaccord après le mariage. ورغم كل هذه السهولة et malgré toute cette facilité, لما يأتي خاطب يريد الزواج في المسجد, lorsque quelqu'un vient pour se marier dans la mosquée, وتقول له لا نستطيع حتى تتزوج في البلدية لضمان حقوقك وحقوق زوجتك. On lui dit on ne peut pas vous marier jusqu'à après le mariage à la mairie qui va préserver mon frère tes droits et les droits de cette sœur. يقول لك, il te dit, معليش, c'est pas un problème. سأمشي عند إمام آخر. Je vais voir un autre imam. وهكذا يعرض نفسه وخطيبته والإمام الآخر للخطر بدل الانتظار بعد الوقت حتى يتم الزواج في البلدية. Et ainsi, il s'expose, expose l'imam, expose sa femme au danger au lieu d'attendre un peu pour se marier devant le maire. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تزوج الشباب المسلمين في هذه البلاد وفي كل البلاد. اللهم احمي أولادنا وبناتنا عند الزواج من الذئاب ومن أبناء الحرام. اللهم رد بالشباب إلى الزواج الإسلامي وبارك لهم في زواجهم. اللهم إنا نسألك أن